C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté. Pasteur curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie, ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, quand Jacques, laisse-les donc crier, laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fumes pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qui craquante parce qu'on l'a trop prié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, quand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, quand Jacques, dis-le-toi, bien souvent, c'est trop facile, c'est trop facile de faire semblant.